Bon, mes chers députés, en tant que président, je suis ici pour vous proposer une nouvelle voie à voter. Alors, j'ai bien réfléchi avec moi-même et j'ai constaté qu'à chaque fois que je vous propose une voie, une loi, vous votez tous à l'unanimité. J'en ai conclu que vous servez à rien. Et par conséquent, la prochaine et dernière loi que je vous propose de voter, eh bien, c'est de voter les pleins pouvoirs à votre président pour que je puisse voilà, passer des lois sans avoir besoin du Parlement. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous votez pour? Oui, très bonne idée. Ah oui, vraiment bien. Ah oui, oh, ça, oh, c'est malin ça. Oh, vive notre président. Ah oui, il est trop intelligent. Oui, on va faire comme ça, on va voter comme il a dit. Ah oui. Mais on n'est pas censé faire un débat contradictoire avant nos propres opinions. Mais non, n'importe quoi. Oui, votons pour ça, votons pour lui. Votons. Salut, messieurs, mesdames, personnes non binaires. Eh oui, pourquoi j'ai ressorti les Playmobil? Bah, tu te doutes bien qu'on va parler de PNJ. Eh bien, ouais, les PNJ, en fait, si tu veux, bah, quand t'es MJ, et puis aussi dans les jeux sans MJ, hein, bien sûr, bah, les PNJ, c'est un peu l'outil le plus important bah, de ta boîte à outils, mais c'est aussi le plus difficile à manier, quoi. Un bon PNJ, eh bien, il faudrait qu'il soit mémorable, mais sans pour autant voler la vedette des PJ. Il y a des PNJ qui sont profonds, récurrents et tout. Récurrents, ça veut pas dire qu'ils récurent le sol, hein. Ça veut dire qu'ils arrivent, puis tu les vois venir plusieurs fois dans la campagne et tout. Mais il y a aussi des PNJ minuscules, mais dont la présence fugace apporte un supplément de vie à la partie. Ok, et bien sans plus tarder, cette vidéo t'est offerte par un super sponsor, vraiment tout à fait approprié pour le sujet. Puisque il s'agit des armures en scénarium. Voilà, les armures en scénarium, ce sont des armures pour protéger tes PNJ fétiches, pour qu'ils ne se fassent pas zigouiller en fait par les PJ dès la première rencontre. Voilà, ça c'est très important, ça peut vraiment sauver ta campagne. Donc voilà, les armures en scénarium, voilà, la petite armure de base en mithril narrativiste et tout, et après on monte jusqu'à voilà, de l'armure en adamantium narratologique, voilà, qui fait que ton PNJ, avec sa plot armor, comme disent les Anglais, eh bien, il sera définitivement immunisé à toute attaque de PJ et pourra survivre contre vents et marées et contre toute probabilité, eh bien, toute ta campagne. Voilà, c'est super, c'est vraiment si tu as un PNJ comme ça, Marissou, à faire survivre jusqu'à la fin, eh bien, pense-y, c'est pas cher en plus, évidemment, si tu t'as pas outsider, t'as un bon de réduction. Ok, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Eh bien voilà, les PNJ. Alors évidemment, petit disclaimer, mais franchement, je pense que ça va mieux en le disant. Faut quand même savoir qu'une partie de jeu de rôle peut se passer de PNJ. Bon bah par exemple, tu peux faire un donjon avec juste des portes, des pièges et des trésors. Bah en fait, t'as pas besoin de monstres. Enfin bon, après, un monstre, est-ce que c'est vraiment un PNJ dans le sens où il y a pas mal de monstres? Tu vois, c'est juste des mobs, ils parlent même pas et tout. Voilà, c'est pas follement des PNJ, quoi. Il y a le jeu de rôle slash GN Les Centres aussi qui a cette proposition-là particulière qu'il n'y a pas de PNJ. Il n'y a que des PJ et tout tourne sur l'interaction entre PJ. Bon, je ferme cette parenthèse parce que ce sont quand même des cas assez particuliers. La plupart du temps, bah, tu as des PNJ et voilà. Et comment on va faire des bons PNJ, des PNJ mémorables? Bah, d'abord, on va revoir ensemble un petit peu. C'est quoi les fonctions des PNJ? Mais à quoi ça sert que ces petits Playmobil-là? Eh bien, évidemment, leur première fonction, c'est d'amener les thématiques de ton scénario, de ton univers. Tu vois, ils doivent en être représentatifs. Mais également, ils vont être là pour mettre en valeur un PJ donné, quoi. Parce que ça va être le papy d'un PJ, ça va être la personne que le PJ doit protéger, son amoureux, son amoureuse, sa némésis, tu vois, c'est-à-dire son ennemi intime. Enfin, il y a plein de façons de mettre en valeur un PJ via un PNJ qui a un rapport avec lui. Ils vont amener des infos sur l'univers, c'est-à-dire que par exemple des infos de survie en milieu hostile, eh ben, t'es pas obligé de les dire avec la voix de MJ. Eh ben, c'est un PNJ qui va les former sur le survivalisme, c'est un PNJ qui va les renseigner sur les arcanes de l'univers. Voilà, si tu es dans une ambiance un petit peu immersionniste, tu vas préférer faire ça, apporter des infos sur l'univers via les PNJ. Également, en fait, ils vont te servir ils servent de toute façon d'interface entre MJ et BJ. Et par exemple, ça permet de poser des questions au BJ. C'est-à-dire que, plutôt, par exemple, si tu veux connaître le sentiment, les sentiments, les émotions des personnages à un moment M, eh bien, plutôt que de le demander avec la voix de MJ, tu le demandes avec la voix d'un PNJ. Tu vois, un PNJ un petit peu intime avec les PJ, venir, bah, comment ça va en ce moment? Comment tu te sens après ces épreuves et tout? Quels sont tes projets pour le futur? Voilà, c'est intéressant. Alors, ça apporte un prisme, évidemment. C'est plus immersif. Et ce prisme en lui-même, je pense qu'il est intéressant. Parce qu'effectivement, le PJ va peut-être pas forcément confier ses émotions de la même manière qu'il ne l'aurait fait à MJ ou à un PJ ou à quelqu'un d'autre. Les PNJ vont bien sûr aussi servir d'enjeu moral. Et ben, que ce soit la veuve ou l'orphelin, qu'on veut défendre un PNJ qui va être un miroir moral déformant, à l'inverse et tout. Voilà, des PNJ. Enfin, comment. De là, que ce soit des PNJ à sauver ou à condamner, ils sont importants en tant qu'enjeu moral, les PNJ. Bah, bien sûr. C'est parce que également, ce qui est important, intéressant avec les PNJ, c'est qu'ils apportent un type d'interaction qu'on aime, qui est le dialogue, qui peut être le combat. Enfin, ça peut être vraiment très complexe. Gérer un PNJ, enfin, gérer la rencontre avec un PNJ, c'est vraiment un moment de jeu très complexe, très fouillé, très intéressant. Et que ce soit de simples marchands ou de simples bandits, eh ben, ça peut être une rencontre vraiment intéressante, quoi. Le rôle des PNJ, également, c'est avoir une gueule d'atmosphère. Ça rejoint le fait d'amener des thématiques et tout, mais voilà, juste décrire les trognes des gens que tu peux rencontrer dans le. Ouais, j'ai mon imprimante fantôme qui imprime un truc sans rien demander. Décrire des trognes, voilà, rencontrer dans une auberge, croiser dans la ville et tout. Ça pose tout de suite une atmosphère, quoi. Également, ils vont apporter. Alors là, c'est un peu plus spécifique, mais tu peux te servir des PNJ pour apporter une touche de feel good. Bon, tu peux faire l'inverse, mais là, je suis concentré sur le feel good. Bah, par exemple, mais alors, si tu veux faire ça, il faut pas avoir des PNJ qui sont idiots, qui font des actions stupides, qui mettent tout le monde en danger. Pas non plus des PNJ méchants, et pas non plus des PNJ victimes, tu sais, qui rappellent que le monde est horrible et tout, et à des PNJ qui souffrent, qui sont bolossés. Non, non, non. Ou plutôt des PNJ que tu peux soutenir, qui sont soutenants, mais vraiment dans une ambiance positive. Bon, voilà, enfin, grosso modo, évidemment, tu peux faire un inverse. Donc, c'est les PNJ, par l'attitude des PNJ, par leurs histoires. Tu vas amener une ambiance, tu vas vraiment donner une direction artistique au niveau de l'ambiance. Ok, donc ça c'était un peu toutes les fonctions des PNJ, j'ai fait un gros gros paquet. Maintenant on va s'intéresser à un type particulier de PNJ, c'est ce que j'appelais les PNJ profonds, c'est-à-dire bah voilà, des PNJ qui ont plutôt une construction complexe, qu'éventuellement on va. Alors, c'est pas dit qu'on va les jouer longtemps, attention, hein. Ça peut être intéressant d'avoir un PNJ qui est profond, mais qu'en fait on va pas croiser longtemps. Mais le truc, c'est d'avoir cette ambiance, notamment dans les bacs à sable, les scénarios bacs à sable, bah, que les PNJ, ils ont une vie à eux qui est indépendante des PJ, ils ont leur enjeu à eux, tout n'est pas rapporté au PNJ, au PJ, voire même des fois, ils peuvent vivre les atermoiements, les émotions, les préoccupations des PJ un peu comme une intrusion dans leur vie, quelque chose qui les gênent plus qu'autre chose, quoi. Voilà. Mais bon, de même qu'un PNJ profond peut être intéressant dans le cadre d'une campagne, un PNJ que tu vas faire évoluer au fur et à mesure qu'on va revoir tout ça. Les deux sont bien. C'est assez disruptif l'idée d'avoir un PNJ profond, mais que genre, en fait, il y aura peut-être que 5 minutes d'interaction avec lui. Alors, j'ai une méthode qui s'appelle la méthode Échevœil, que je te mettrai en description, bah, pour créer ces PNJ profonds. Mais grosso modo, bah, ils ont tous un objectif, ils ont tous un peu une histoire. Alors attention, l'histoire, il ne faut pas que ce soit de l'histoire morte, mais de l'histoire chaude. C'est-à-dire que imaginez l'historique d'un PNJ, ça n'a d'intérêt que cet historique, il a une répercussion dans le présent. Alors, grosso modo, cet historique Tu peux en faire découler un objectif du PNJ ou un truc qui va lui tomber sur le coin du nez. Eh ben, c'est pas la peine de faire son historique, quoi. Moi, j'en mets tous en handicap à ces PNJ, parce que handicap is beautiful. Voilà. Il y a un concept d'Apocalypse World que je suis obligé de faire bien, parce qu'il est quand même vraiment sympa aussi. C'est créer des triangles PNJ, PJ, PNJ. C'est-à-dire que chaque PJ va être. Non, c'est PJ, PNJ, PJ. Voilà, plutôt ça. C'est-à-dire que chaque PNJ pourrait être lié à deux PJ, mais d'une façon différente, ce qui fait qu'on a deux angles d'attaque pour appréhender le PNJ. Tu vois, il y a deux PJ qui le connaissent, mais pas de la même façon, tu vois. Donc ça tout de suite, ça apporte de la profondeur facilement au PNJ. Puis ça va forcément l'intriquer avec les PJ de façon organique, quoi. Ensuite, eh bien, on va improviser un PNJ parce que voilà, on n'a pas toujours le temps de les préparer, ni même l'envie. Eh bien, la méthode de base, c'est de tirer un oracle. Ce qui fonctionne vraiment très bien, c'est les tarots. Bon, bah voilà, tu tires, hop, le battleur. Ok, bah, le battleur, c'est un PNJ, tu vois, qui est un peu commerçant, un peu alchimiste, un peu roublard, un peu dans les jeux de hasard, tu vois, enfin, un gars un peu dans tous les trucs louches et tout, et en même temps, qui a l'esprit d'expérimentation et tout, donc il a des côtés positifs, négatifs, il y a une sorte d'esprit d'abondance, mais aussi il est un petit peu rusé, un peu roué. Voilà, un tirage de tarot arcane majeur, c'est très très bien hein, pour caractériser un PNJ rapidement. Ou bon, sinon, tu peux tirer un Dixit, n'importe quoi, un musée oracle a plein d'infos sur les PNJ. Ça peut être un peu intéressant aussi si tu le crées juste en un truc, c'est que ton PNJ, forcément, tu vas le lier à une des thématiques de ton univers. Bon, bah, par exemple, si c'est en Eclipse Phase, bah, tiens, je vais créer un PNJ dont le morph bug, tu vois. Et donc, il n'arrête pas de changer d'apparence, mais c'est pas volontiers, ou son apparence se dégrade, ça lui cause tout un tas de problèmes, il essaie de réparer ça. Tu peux aussi, tout simplement, aussi créer bah, quelque chose que chaque PNJ que tu vas créer, tu l'imagines lié à un PJ. Soit directement, tiens, le PNJ, tu rencontres, il y a ton papy qui rentre de la campagne, ou juste thématiquement, c'est-à-dire, par exemple, il y a une paladine dans le groupe. Eh ben, je vais créer forcément un PNJ qui, si tu veux, lui, il a besoin de faire appel à un redresseur de tort parce que ses enfants ont été capturés par des vilains, hein, par exemple. Quand on improvise, on peut avoir beaucoup tendance à utiliser le jeu en mode miroir, qui est intéressant, hein, mais qui est grosso modo tu écoutes les spéculations des joueuses et puis tu réintègres ça dans ton impro. Mais il faut pas en abuser. Parce que par exemple, ça peut être, imagine, tu as créé un PNJ qui est plutôt intègre, et puis tu as deux trois joueuses qui disent ah, j'ai l'impression que c'est un traître. Bon, ah, tu dis pas, tu te fais ah, bah pas de souci, c'est un traître et tout. Alors, ça peut un peu casser le côté tactique, le côté enquête, si c'est jamais ça que tu veux faire, quoi. Donc, ça peut être bien des fois que quand tu improvises un PNJ, tu lui donnes deux trois traits. Mais tu les frises tout de suite. Par exemple, si c'est un truc d'enquête, le truc que tu dois tout de suite déterminer quand tu improvises un PNJ, c'est est-ce qu'il est coupable ou pas coupable? Et si tu as décidé qu'il n'était pas coupable, eh ben, les PJ ont beau le soupçonner à mort, il n'est pas coupable, quoi. Ça peut quand même amener de l'histoire, quoi, hein, le fait qu'on fasse une fausse piste sur ce gars et tout, qui a l'air louche, alors qu'en fait, il est pas coupable, quoi. Voilà, bon, bah, ça, c'est si tu veux, entre guillemets, comment. Qu'il y ait quand même des choses qui soient fixées, que tout ne soit pas miroir en fait des réflexions des joueuses. Et dernière chose sur les PNJ, mes vidéos sont de plus en plus longues, c'est une catastrophe. J'espère que tu as pu t'acheter du temps supplémentaire chez le marchand de sable pour pouvoir voir cette vidéo jusqu'au bout. Auquel cas, je te remercie d'avoir consacré ton budget temps pour moi. Je vais te parler. En fait, le truc qui est le plus dur, le plus grand enjeu en fait, c'est que ces PNJ soient présents. Ça, c'est notamment valable dans les jeux sans MJ. Moi, j'ai l'impression, si tu veux, dans les jeux sans MJ, exception faite pour l'arène, qui, je trouve, solutionne vraiment bien le problème. Il y avait beaucoup de jeux sans MJ où je trouvais que, si tu veux, les PNJ étaient assez désincarnés, on oubliait qu'ils étaient là et tout, ils n'étaient pas trop décrits, personne s'en emparait et tout. Mais bon, même tu peux avoir le problème aussi quand avec le jeu AMG, avoir des PNJ un petit peu fantômes. Donc là, il y a trois aspects sur lesquels tu dois insister pour les rendre bien présents. Pour le moment, c'est les faire parler au discours direct. Et ouais, ça, tout de suite, ça leur donne plus d'existence, je trouve. Les décrire, donc tu les décris physiquement et psychologiquement une première fois, mais cette description à me dire, bah, je te renvoie la vidéo sur comment créer un personnage mémorable, parce qu'en fait, ces conseils sont valables pour les PNJ. Donc tu vas décrire une première fois ton PNJ, mais tu vas le décrire plusieurs fois, éventuellement en faisant évoluer la description pour qu'on se rappelle qu'il existe et à quoi il ressemble, et tu vas les incarner. Alors ça peut, oui, ça peut passer par le fait de faire des accents. Moi, je trouve que ça n'est pas sale, du moment que c'est fait dans le respect et que c'est fait de façon légère, les accents, les voix et tout, un côté un peu conteur, quoi. Donc un vieux, il va parler un peu comme ça, un enfant, il a une petite voix. Enfin, tu vois, tu peux, je pense que tu peux le faire sans, si c'est pas trop lourd, quoi. Hein. Après, si tu ne le fais pas, eh bien, tu peux incarner tes PNJ d'une autre façon, quoi. Qu'ils aient une façon particulière de s'exprimer, des tics de langage, tu vas les incarner aussi physiquement, tu vois, la barbare, et ben, quand tu incarnes la barbare, tu joues des coudes, tu parles fort, tu fais des grands gestes, tandis que le hobbit, un petit peu timide, mais t'es toujours caché un peu derrière la table, comme ça, tu vois, voilà. Bon, c'était tout ce que j'avais à dire sur les PNJ, il y aura d'autres vidéos sur les PNJ, ceci dit, mais voilà, dans celle-ci, on a bouclé la boucle. Donc n'oublie pas, si tu veux constituer ton personal MBA et disrupter le marché rôliste, la chaîne Outsider, elle est faite pour toi. Alors, rends-toi service, soutiens-moi, abonne-toi sur le Patreon de la chaîne Outsider, lis mon blog, abonne-toi à ma chaîne, et puis mets un commentaire. Salut, je te fais des gros bisous.